Ouais, je croyais que tu pouvais faire mieux que ça quand même. Wow, Ah, wow, bah, wow, wow, attends, attends, normal, t'sais, je laisse le monter le niveau doucement, t'as vu, ça va venir. wow. Vas-y, vas-y, monte le niveau à un petit degré au-dessus. Un petit, juste un tout petit degré au-dessus. Tu veux Juste juste un histoire de tout montrer, petit? t'as vu? Non, non, non, t'inquiète, tu vas, comment dire, t'as Ok. écouté, là tu vas redécouvrir. Ouais, crois pas que j'ai balancé toute la sauce. Là, c'était que le début. Et maintenant, ça va repartir en mode féroce. Ah!